Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ayoub Marceau. Salut Ayoub, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va et toi? Super. Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Tu m'as un peu forcé, tu m'as dit que tu allais venir chez moi si j'acceptais pas, donc j'étais un peu obligé. Écoute, s'il te plaît Ayoub, ne révèle pas mes méthodes de recrutement pour le podcast, s'il te plaît. Les gens, parce que je suis quelqu'un de gentil qui invite les gens avec politesse et beaucoup de courtoisie. Donc s'il te plaît, Zama, révèle pas les secrets de, tu vois. Non, je suis là avec grand plaisir, je suis là, j'accepte, il n'y a pas de souci. Eh bien écoute, le plaisir est partagé et justement, tu as dû réfléchir à quelques anecdotes, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Un jour, je joue sur scène. Ça se passe bien et tout, et il y a un mec qui faisait que de parler fort et tout, et je lui dis je crois pas que je joue là et tout, je parle fort et tout, et il me dit non, mais je racontais un truc à un ami qu'on avait en commun, toi et moi. Moi je ne savais pas qui c'était le mec. Et là je lui dis attends, mais je lui dis attends, on se connaît et tout. Il me dit pas vraiment, et je lui dis on se connaît un peu en fait, et il me dit non, mais je t'en raconterai plus tard. Donc déjà le mec il me parle et tout comme si on était que tous les deux. Il me dit non, mais t'inquiète, continue, raconte ton sketch et tout. Et après je dis non, mais là tu peux pas me dire ça. Je fais là, ça m'intéresse. Dis-moi ce que t'as dit à ton ami, tout le monde a envie de savoir. Et là je demande au public, vous avez envie de savoir ce qu'il a raconté à son ami ou pas? Tout le monde applaudit, fait ouais, j'ai envie de savoir. Et là il me dit non, bah, je lui ai raconté qu'une fois toi et moi on avait été en garde à vue ensemble, et tu m'avais dit qu'un jour t'allais faire du stand-up. Et là les gens, et je te promets que c'est vrai, et c'était une fois je m'étais fait arrêter pour un truc bidon, et voilà, et du coup c'est vrai que ce mec j'avais été en garde à vue avec lui. C'est pas la meilleure anecdote qu'on puisse te raconter, mais tu sais, les humoristes aiment bien raconter quand ils bident, et comme je t'ai dit, moi je peux pas te raconter quand je bide, parce que je bide jamais, je suis désolé. Voilà. Tu bides jamais, mais en même temps, franchement, là, quand même, t'as été même plus que, je trouve, plus qu'aventurier, parce que moi je sais que si je suis sur scène, et qu'il y a un mec dans le public qui me dit « je te connais », et dès que je lui dis, ben, on se connaît d'où, et qu'il me dit, attends, je t'expliquerai après, je crois que j'aurais trop peur de prendre le risque que ce soit quelque chose de grave. Non, tu vois, parce que après, je sais ce que je fais dans ma vie, je sais qu'il n'y a rien de grave, tu vois. Donc, j'étais serein quand même, tu vois. Et quand tu es sur scène, c'est soit tu es serein, soit tu laisses le public être serein. Et c'est nous qui avons le micro, donc ça, c'est une règle. Mais non, mais ouais, j'ai plein de petites anecdotes. Hein. Après, pareil au Jamel Comedy Club, le nouvel an, l'année dernière, tout le monde s'en rappelle. Et là, on joue et t'as un mec, après chaque blague où tout le monde rigole, il crie. Il fait oh! Il rigole et il fait oh! C'était vraiment. Et vous avez dit pourquoi ou pas? Bah non, il a dit je suis juste content d'être là. Il a dit moi je vais foutre le bordel, je vais faire du bruit. Il était juste content, le mec, il passait le nouvel an. Et il était juste content d'être. Il était bourré un peu, ouais. Ah oui, d'accord. Non, c'est l'alcool qui parlait en fait. Si tu veux, il rigolait. D'abord, c'était lui, sa personnalité qui rigolait. Et après, c'était la bouteille d'alcool qui parlait. Oh. Exactement. Et après, il y a une autre anecdote, c'est en chicha, c'est horrible. Les chichas, c'est... Tout le monde a une mauvaise anecdote en chicha. Moi aussi. Bon, moi, au début, je parlais doucement. Et là, t'as une meuf qui crie « Parle plus fort! Parle plus fort !» Elle me criait ça et tout, tu vois. Et c'est gênant, tu vois. T'entends pas plus fort. Ouais, t'avais un micro, toi, ou pas? J'avais un micro et en fait, j'avais juste une envie, c'est de parler plus fort, mais en dehors de la scène, quoi. J'avais juste une envie, c'est de partir, quoi. Ben, en chicha, en fait, le moindre truc qui se passe peut te déstabiliser un petit peu parce que tu sais que tu es déjà en terrain hostile, c'est compliqué. Ouais, exactement. Mais après, toi, avec ton physique, parce que tu es quand même grand, tu fais combien? 1m96. Mais le problème, c'est qu'en chicha, les gens sont là pour. En gros, ils sont là, vas-y, fais-moi rire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont exigeants. Ils sont exigeants, je sais pas, mais ils sont plus là pour se moquer que pour rigoler, tu vois, en général. Ah oui. Après, je pense que c'est une bonne expérience à faire, la chicha, mais après, le mieux, c'est de jouer dans un vrai théâtre avec un vrai public qui est là pour. Pour rigoler, parce que je pense en chicha, les gens de base ils sont pas trop là pour un spectacle, ils sont plus là pour être entre potes, pour rigoler, pour passer un bon moment entre eux, tu vois. Donc, après, c'est formateur, tu vois, ça c'est souvent revu dans les podcasts, c'est très formateur, ça permet de développer, on en parlait avec Nassim Mella, ça permet de développer vraiment ton côté improvisation, gestion du public et tout, tu vois, que crowd work, vraiment, les chichas c'est la pire école et c'est la meilleure école en même temps. Exactement. Voilà. Et sinon, en plateau, tout ça, tu as eu des anecdotes des fois avec du public ou je sais pas, des collègues avec qui il s'est passé un truc. Déjà, le coup du mec de la garde à vue, ça c'est balèze quand même. Ouais, non, vraiment, il m'a regardé, il m'a dit non, mais t'inquiète, moi je te connais, je me rappelle de toi, c'est sûr. Et même si c'était pas moi, ça aurait été marrant en fait. Et d'ailleurs, moi j'ai dit au public que c'était pas moi, tu vois, j'assume que 3 ans après. J'ai dit non, mais tu te trompes et tout, je fais c'est pas moi et tout. Et après je suis parti en impro, je dis t'étais toujours sous contrôle judiciaire toi et tout, et après donc j'ai réussi à bien me rattraper, mais ouais, le mec était insistant quoi, c'était marrant. C'est beau. Après, ce que je trouve beau, c'est que le mec il a pas voulu t'afficher à la base, tu vois. Non, il a dit, c'est pour ça que j'ai bien aimé, il était bienveillant, mais il parlait fort, et moi j'ai fait, moi je suis quelqu'un sur scène, je déteste les gens qui parlent, Et moi, le moindre bruit, je parle. C'est-à-dire, le moindre bruit, je dis, tu parles. Tu vois, je laisse pas faire. Je suis pas comme si de rien n'était. Si quelqu'un parle trop fort ou quelqu'un parle entre eux, si je D'accord. l'entends, et le public l'entend, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois que ça peut vite être malaisant, tu vois. Ben, je Donc, sais pas. Très honnêtement, des fois, d'expérience, moi, j'ai vu que des fois, toi, tu étais gêné par un truc, mais le public n'est pas gêné, tu vois. Donc, ce que je fais, moi, quand j'entends quelqu'un parler comme ça, je laisse faire au début, je réagis pas tout de suite. Et si je vois que le public est gêné, là, par contre, j'interviens, tu vois. exactement. Parce que des Ça fois, fait. toi, tu vois quelque chose, mais le public l'a pas vu. Ça Ça arrive, je sais fait plus qui quand c'est même. qui racontait ça, genre, il s'est passé un truc au premier rang et personne d'autre l'a vu. Le mec, il a pété un scandale. Et il a arrêté, limite, il a arrêté son spectacle à ce moment-là, alors que personne ne comprenait ce qui s'était passé, quoi. Ouais, exactement. Donc, Non, des mais. fois, il vaut mieux attendre un peu, enfin, voilà, quoi. Et une fois, ça m'est arrivé, moi, une fois, le déclic que j'ai eu, c'est que je jouais au Labo du Rire au Paname. En général, vers 18h, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, quand c'est les vacances scolaires et tout, parce que c'est l'heure où ils peuvent venir. Ou c'est l'heure aussi où le spectacle il n'est pas interdit à au moins de 15 ans, je crois. Il se faisait remarquer, il criait et tout. Et là, j'étais dans mon personnage très calme et tout sur scène et tout. Et à un moment, j'ai pété un câble, je me suis réveillé, je fais moi aussi je peux crier et tout. Et c'était marrant parce que je suis sorti de mon personnage. Et vraiment, ils sont tous calmés, Tu t'es vénère en vrai ou tu mais. Ouais, je me jouais? suis vraiment énervé, je me saoulais, là, vous voulez pas que je joue et tout. Et ça fait rire les gens parce que je me suis vraiment énervé. J'étais dans la sincérité, tu D'accord. Du coup, t'as buté combien de gosses dans la salle? J'ai buté personne, mais ils sont tous calmés en tout cas. Voilà. Ils ont tous compris que j'étais comme eux quand j'étais petit. Ouais, bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es gamin, tu te dis bah quoi, pourquoi il s'énerve contre moi et tout. Et après, quand t'es grand, si jamais ça t'arrive, tu dis ah bah ouais, non, mais là, c'est relou, là, le gamin qui fait Exactement. du bruit. Ah ouais. Exactement. Bah, tu sais, c'est comme quand tu as des enfants. Après, toi, tu as des enfants, Ruyo, ou pas? Même pas, même pas. Quand tu as des enfants, en fait, tu vois, moi, je vois, j'en ai trois. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai vraiment dit, mais punaise, mais c'est incroyable. Enfin, comment est-ce que j'ai pu faire endurer ça à mes parents, tu vois? Et je suis allé les voir, genre, il est né, et quelques jours plus tard, je suis allé les Exactement. voir. Tu vois, bah, je les ai embrassés sur le front. Je leur ai dit, pardon pour tout ce que je vous ai fait, pardon, parce que j'ai compris ce que c'était. Donc là, c'est la même chose. Ces gamins-là qui étaient dans la salle, quand ils vont grandir, si jamais ils se retrouvent à faire un truc artistique ou quoi, ils verront que quand il y a des gens dans la salle qui parlent et tout, des gamins ou des adultes, c'est relou, tu vois, et t'es obligé d'intervenir, quoi. C'est ça Et exactement. sinon, au niveau des enfants, tout ça, tu dis, ouais, qu'il y a une session à 18h, genre vraiment, enfin, où les enfants sont les bienvenus, quoi. Ouais, c'est ça exactement. C'est une session où les enfants, c'est les bienvenus, ils sont là. En fait, les enfants, ils essaient de se faire rigoler entre eux. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de bruit, ils criaient et tout. Et du coup, ouais, je me suis énervé, j'ai pété un câble. Et... En fait, j'y jouais tellement que pour te dire, en général, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et j'y jouais tellement. Aujourd'hui, tu es capable d'endurer n'importe quel truc, tu gères quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que maintenant, je gère, j'ai l'impro, etc. Et ouais, voilà, mais c'est après la scène, en général, ça se passe bien. Le public, il est vraiment là pour rigoler. Il y a vraiment... On commence à avoir un public de stand-up en France. Bon, c'est pas encore ça, tu vois. Mais il commence vraiment à avoir un public qui est là pour écouter du stand-up de plus en plus grâce à des lieux comme le Paname, par exemple, tu vois. Parce que c'est vraiment eux les pionniers, tu vois. C'est vraiment eux les premiers à avoir installé ça, tu vois. Bon, après, il y a le Jamel Comedy Club, mais c'est autre chose encore. C'est une salle de spectacle. Mais le Paname, c'est vraiment Comedy Club. Et après, il y a plein de Comedy Club qui sont en train de se créer et tout, tu vois. Mais grâce à eux, quand même, tu vois, on a pu avoir un public. Et le public, il est vraiment là pour rigoler. Il commence à avoir un vrai public. Bon, c'est pas au niveau des States, tu vois, mais. Donc c'est très intéressant. Et il y a une autre anecdote encore qui est intéressante à te raconter. J'ai joué dans une cave, je sais plus c'était où, je crois que c'était au théâtre du gymnase à l'époque, au sous-gymnase. Et à l'époque, tu avais les cours de Alex Nguyen, tu vois, et j'en faisais un peu Oui, partie, tu exact. vois. Mais qu'est-ce qui était bien ces cours, c'est que ces cours, ils étaient, on était qu'entre nuls, en fait. C'est-à-dire, on était qu'entre nuls, et lui, il faisait des... Non, mais c'est vrai, on était qu'entre débutants, on était qu'entre mecs qui ne savaient pas c'était quoi le stand-up. Et donc, qu'est-ce qui était intéressant dans ce truc, c'est que au début, on était qu'entre mecs qui n'avaient pas de niveau. Et il y avait des petits concours de entre nuls, on devait être le meilleur des plus nuls, tu vois. Et moi, c'était un peu mon but, tu vois. Donc déjà, t'essayais d'être le meilleur. Et après, une fois, j'étais dans une cave et tu vois, j'étais pas habitué à monter. Parce qu'avant, moi, je jouais, je montais, allez, je jouais une fois par mois, tu vois. Franchement, même là, on se rend pas compte, mais le nombre de plateaux qu'il y a maintenant dans Paris, tout le monde peut jouer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et sûr, ouais. même en France, c'est quand ça se crée et tout. Et en plus, je te parle de ça il y a 4 ans, c'était pas non plus il y a 10 ans. Et donc, il y avait très peu de scènes. Et du coup, nous, on jouait une fois tous les 3 semaines, une fois tous les mois. C'est-à-dire, je préparais mon set. Je savais que j'allais jouer le 23 mars. C'était tous les mois, tu vois. Et donc, je préparais ma scène et tout. C'était vraiment rare de jouer et tout. Et je suis arrivé dans une scène que je connaissais pas du tout, qui était le théâtre du gymnase. Et j'arrive et je suis hyper grand. Et au début, moi, je m'assois, tu vois. Au début, je me suis assis sur scène. Et là, je me lève tout d'un coup. À l'époque, je jouais que assis. Et là, je me lève tout d'un coup, et il y a une grosse poutre, et je me lève et je me cogne la tête comme ça, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, moi, j'avais un personnage sur scène à l'époque. J'avais un personnage qui était. J'ai toujours mon personnage, mais il était vraiment plus grave à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, il était vraiment. Je parlais, je rigolais pas, il était soutenu, j'avais un sketch, j'étais sur le tribunal, j'étais hyper sérieux. Tu vois, bon voilà, c'est un peu pour me réconforter, tu vois. Et genre là, je me lève, bim, je me cogne. Et au début, je reste dans mon personnage, je reste dans mon personnage. Et au bout de 2 minutes, je fais, ah, je suis désolé, j'ai vraiment trop mal. Et les gens, ils explosent de rire. Je fais comme si de rien n'était, tu vois. Et au début, j'ai fait genre, je reste dans mon personnage. Au début, je fais, ah, c'est dans le sketch, vous inquiétez pas. Et là, je fais, franchement, ce qui vient d'arriver, là, c'était pas du tout dans le sketch. Je me suis fait trop mal. Les gens, ils ont rigolé, ils m'ont applaudi. T'as... Mais j'avais trop, trop mal. Je suis sorti, j'avais une grosse bosse sur la tête et tout. Ah Et ouais. depuis, je me suis plus jamais cogné, en tout cas. Je mesure 1,96 m, depuis je me suis plus jamais cogné. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Ayoub, pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, Ayoub Marceau. Page Facebook, Ayoub K. Marceau et Ayoub Marceau. YouTube, Ayoub Marceau. Tout Ayoub Marceau en fait. D'accord, ok, bah très bien. Je mettrai les liens donc vers Facebook, YouTube et Instagram. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.